إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وأماناتكم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Mes frères et sœurs, on va méditer aujourd'hui, نعم, concernant un sujet très important. Allah Azza wa Jalla dit d'après le sens: Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah Azza wa Jalla et le messager. Ne trahissez pas la confiance qu'on a placée en vous. Al-khiyanatu ibadallah min akhlaq as-sayyi'ati allati haddara al-islam minha fa hiya khislatun dhanima. La trahison et le comportement est un comportement méprisable dont notre religion nous met en garde contre cela. Tusabbibu in'idad al-thiqati bayna afrad al-mujtama' al-muslim. Elle cause par cela le manque de confiance dans les sociétés musulmanes. Wa hiya khislatun qabihatun la tardaha an-nufus as-salima. C'est une caractéristique qu'aucune âme saine accepte. C'est une caractéristique qu'aucune âme saine, croyant ou pas croyant, n'accepte. وَالْخِيَانَةُ مِنْ سِيمَاتِ النِّفَاقِ يُخْفِي خِيَانَتَهُ بِالنِّفَاقِ. Et c'est parmi la trahison, c'est parmi les caractéristiques des hypocrites. نعم, car il cache sa trahison par son hypocrisie. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث ومنها وإذا اؤتمن خان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم nous dit dans un hadith que les caractéristiques de l'hypocrite est de trois sortes, et parmi la sorte d'un de cette caractéristique là c'est quand on lui confie quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il trahit. والغدر عباد الله والخيانة صفتان ذميمتان خسيستان لا يتصف بهما إلا أحقر الناس وأضعفهم وأذلهم. La traîtrise et la duperie, نعم, sont deux caractéristiques humiliantes, نعم, rabaissantes, particulières. Il y a que les faibles et les sots, نعم, et les plus bas qui s'acquitte de cette caractéristique-là. وَهِيَ مَذْمُومَةٌ حَتَّى مَعَى مَنْ يُتَوَقَّعُ مِنْهُ الْغَدْرُ وَالْخِيَانَةُ فَيَنْبُذْ إِلَيْهِ عَهْدَهُ وَلَا يَغْدُرُ بِهِ وَلَا يَغْدُرُ بِهِ. يقول ربنا جل وعلا: وَإِمَّا تَخَافَنَّ خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الآية. Et si vraiment tu crains d'après le sens Allah Azza wa Jalla qui dit, et si vraiment tu crains une trahison de la part d'un peuple, qu'est-ce qui nous exhorte Allah Azza wa Jalla si on craint la trahison de la part d'un peuple? Alors le pacte que vous avez conclu avec eux, na'am, il s'annule. Le pacte que tu as conclu, na'am, d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. نعم عباد الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى يجي صلى الله عليه وسلم خن السكون تكوفيه comme dépôt à son propriétaire. Rends-le, on t'a confié quelque chose, une amane, de l'argent, une parole, tu le rends à son propriétaire. Na'am, et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Wa fi hadithin akhar, aw an Abi Hurayrata aydan, radiyallahu ta'ala anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Allah jalla wa ala, hadith al-Qudusi, thalathatun ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غضب يعني حلف أعطى بي ثم غضب ورجل باع حرة فأكل ثمنه ورجل استأجار أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره يعني يخدم خلصوش يعني رواه البخاري الله عز وجل يقول في الحديث القدسي je serai l'adversaire de trois personnes. La première personne, c'est quand il jure par mon nom, yani il tient pas son serment. Deuxièmement, celui yani qui a pris un homme libre et a consommé son profit. Un homme libre, c'est-à-dire à l'époque il y avait l'esclavage. Yani, quelqu'un, il n'était pas esclave. Il est libre. Il a dit aux gens que cette personne-là, il est esclave. Il disait aux gens, grâce à tel, quand il y avait entre tribus, il y avait des problèmes. Il disait, toi, tu es un esclave, je te le vends. Alors, ce n'est pas un esclave, c'est quelqu'un qui est libre. Et il prend cet argent-là, et yani, il est dupe, comme ça, il dupe les gens, comme ça, il vole, il ment. Yani, alors, il a mangé cet argent, cet argent, il est haram. Il a dit à quelqu'un qu'il était esclave, alors qu'il n'est pas esclave, il est libre. Ça, le hadith là qui dit, il y a un quelqu'un qui a vendu quelqu'un de libre, alors qu'il est libre. Et une personne, et la troisième personne, un homme qui a employé un ouvrier, et qui a travaillé pour lui, mais qui ne l'a pas payé. Selon ces trois personnes-là, seront les adversaires d'Allah Azza wa Jal, yawm al-qiyamah. قال العلماء الخيانة حاضرة في الثلاثة في هذا الحديث. Dans le hadith al-Qudusi, la trahison elle est présente dans ces trois personnes-là. كلهم يعني فالغادر خائن. Celui qui n'a pas tenu son serment envers Allah Azza wa Jal, il est tombé dans la traîtrise. ومن باع حرا فقد خانه. Celui qui vend quelqu'un qui est libre, il a vendu du vent comme on dit. Il a trahi des gens. ومن لم يوفي الأجير حقه وهو خائن له. Tu ne donnes pas l'argent à quelqu'un qui a travaillé pour toi, alors que c'est son haq, tu l'as trahi. وَلَمْ يُرَخِّسْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْغَدْرِ حَتَّى فِي حَالِ الْحَرْبِ. Et le prophète صلى الله عليه وآله وسلم, il n'a pas autorisé la traîtrise et la lâcheté même en temps quand il était en expédition en temps de guerre, fi hal al-harb. Faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama fi Muslim, ughzu wa la taghullu wa la tahdiru wa la taghullu wa la tahdiru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait lancez-vous dans les expéditions. Na'am, et il conseille qu'on se lance dans l'expédition, il a dit ça à ses compagnons, ne faites pas ces choses-là. Ne prenez pas l'argent du butin et vous le cachez, vous le volez. Là, t'as roulé, yani, يعني في الغنائم يعني لا تقول له يعني prenez pas l'argent du butin et vous le voulez. Et deuxièmement, et ne trahissez pas. وحين زكى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القرون الثلاثة الأولى بين ما يقع بعدهم من انتشار الغدر والخيانة. Il a fait l'éloge صلى الله عليه وسلم des trois siècles, les premiers siècles. Le premier, le deuxième, le troisième. Il les a fait, il a dit, le meilleur des siècles, c'est celui-là, c'est le mien. Puis celui-là qui vient après, puis celui qui vient après. Et nous a informé qu'après ces siècles-là, il y aura, na'am, à l'avenir, des trahisons. Et la tuperie, elle va se multiplier. Faqad akhraj al-Bukhari, an an-nabi wa muslim, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, thumma yakunu ba'dahum qawmun yashhadun. ولا يستشهدون ويخونون ولا يقتمنون. Il dit dans un hadith, dans la fin de ce hadith là, il dit, il y aura des peuples qui vous succéderont, qui témoignera contre eux, et on ne prendra pas leur témoignage. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont trahi Allah Azza wa Jal, les messagers, et ils ont trahi les croyants, les musulmans. On ne prendra pas leur témoignage car ils trahissent, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'inspirent pas confiance. Ils trahissent et ils n'inspirent pas confiance. Wa ahlul ghadri wal khiyanati mafdhuhun aw mafdhuhun yawm al qiyamah kama akhraj al bukhari wa muslim an an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ila jama'a Allah al awwalin wal akhirin يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان أي نعم عباد الله un hadith نعم qui menace les gens qui sont traîtres, qui sont lâches. نعم il dit subhanallah le prophète sallallahu alayhi wa sallam les traîtres seront humiliés le jour du jugement dernier, lorsqu'Allah assemblera les premières générations et les dernières générations, on élèvera un étendard, il y a un drapeau, avec un étendard, pour chaque traître, il y aura le nom de celui qui t'a trahi, pour chaque traître, il y aura son nom, et en venir, on lui dira ça, c'est ta trahison envers un tel fils d'un tel. Il y aura ton nom mentionné dans ce drapeau-là. T'as trahi telle personne, fils d'un tel, et ainsi de mafdhuhun. Ils seront humiliés, na'am, devant tout le monde. Pourquoi? Parce que sa traîtrise dans ce monde, il l'a fait en cachette, il l'a fait par derrière. Mais là, yawm al-qiyam, Allah Azza wa Jal, il va le dévoiler au grand jour. Wa ahyana ibadallah, takunu hadhihi al-khiyana min aqrab an-nas ilayka, kaz-zawj was-sahib wal-walad aw al-walid. Et des fois, mes frères, la trahison, elle peut être des personnes, et c'est souvent ça, les plus proches de toi, parce qu'ils connaissent tout de toi. Ils connaissent toute ta vie, comme un roi, son wazir, son ministre, il connaît tout de lui. Son enfant, son père, ou ta femme aussi, qui peut te trahir. Na'am, ibad Allah, aqulu ma tasma'oul, wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru, innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يقول ربنا جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما الآية الله عز وجل يدخل السنس en parlant de la trahison qu'elle peut venir même de tes proches. نعم الله عز وجل a cité en parabole d'après le sens à ceux qui ont mécru deux femmes, la femme de Nuh et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux صالحيني, c'est-à-dire deux personnes qui étaient vertueux prophètes subhanallah, deux vertueux de nos serviteurs, toutes les deux les trahir, toutes les deux le trahir. C'est pas une trahison, comme a قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما زنتا. Ma zanata, yani, elle a pas commis le fahsha, elle n'a pas fait le zina, elle n'a pas trahi son mari dans ce sens-là. Na'am, قال ابن عباس رضي الله عنه, يعني عنهما, ma zanata. Ils n'ont pas fait l'adultère. Amma imra'atu Nuh, fakanat tukhbiru annahu majnun. Comme قال ابن عباس. Nuh, na'am, la femme de Nuh, elle disait aux gens, c'est un majnun, c'est un fou. Yani, par derrière, elle faisait ça. C'est un majnun, c'est comme ça, ils haïssent. Yani, نوح عليه السلام وأما خيانة امرأة لوط كانت تدل قومها على أضيافه على أضيافه la femme de Lot نعم c'était à l'époque de il y avait اسمه هذا les hommes qui s'adonnaient avec les hommes les femmes c'était يعني la débauche totale يعني il y avait des invités et des invités dans le tafsir c'était des anges qui venaient يعني en invité de hommes ils ont dit que Lot il reçoit des hommes يعني dans sa maison alors que lui يعني dit que alors les personnes ils ont commencé à voir Lot pour aller faire des choses avec lui wa la'ayad billah alors qu'Allah azza wa jalla il nous sentait sa femme elle a dit tadullu qawmaha يعني elle oriente son peuple نعم et elle dit qui est venu à la maison يعني de son mari tout ça par derrière نعم هذه الخيانة وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فخانتاهما أي في الإيمان c'est-à-dire ils ont trahi leur mari, c'est-à-dire dans la foi. Dans la foi, ils n'ont pas eu la même foi que lui. Na'am, ils ont trahi dans la foi, fil iman. Wala yuwafiqa ala al-imani wala saddaqata huma fil risala. Donc, ils n'ont ni cru au messager, ni cru à Allah Azza wa Jal. Walakin hunaka ibad Allah anwa'un adidatun min al-khiyana. Il y a plusieurs formes. نعم de trahison mes frères c'est pas juste ça يقع فيها الناس استهانة بأمرها نذكرها دون الخوض في التفاصيل يعني les gens ils prennent ça à la légère ils prennent pas en considération نعم ces trahisons là أولا خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من خلال التعدي الحدود وتعطيل الفرائض وانتهاك الحرمات نعم trahir Allah et son messager de comment les trahir le fait de dépasser les limites de faire transgresser les textes نعم ou ne pas faire les obligations ou يعني faire les grands péchés ثانيا خيانة الوطن أي موالاة أعداء الله ومداهنتهم يعني trahir son pays aussi نعم le fait de aider les ennemis de ton pays نعم de les aimer de les secourir et ainsi de suite ثالثا خيانة الأعراض وإفشاء الأسرار الزوجية نعم عباد الله parmi la lâcheté la traîtrise le fait de trahir يعني son honneur ou l'honneur de sa femme ou la femme qui trahit l'honneur de son mari en parlant أسرار الزوجية des secrets du lit, le firage, et ainsi de suite, d'humilier son mari, de parler par derrière à des inconnus, et à toi aussi, mon frère, de parler de ta femme par derrière. On appelle ça, c'est une trahison dans l'honneur. Tu salis l'honneur de ta femme, ou la femme qui salit l'honneur de son mari, ou l'a'yadu billah, ou ma aktharahum fi hadha zaman, tishki min zawjiha, ma fait ci, ma fait ça, ma fait ci, à tout le monde, dans les réseaux, à ses amis, à ses, ou les frères qui parlent de leur femme, ma fait ci, la, ittaqillah, ittaqun Allah Azza wa Jal, craignez Allah Azza wa Jal, fi l'a'arad, craignez Allah Azza wa Jal dans l'honneur, car l'honneur du musulman, il est sacré, l'honneur du musulman et de la musulmane sont sacrés, rabi'an, khiyanatu fi l'bay'i, والشراء والكسب غير المشروع le fait aussi la trahison dans les ventes dans le commerce نعم de s'approprier une chose qui t'appartient pas de vendre le haram ou de mentir sur cela ou de mentir sur la voiture نعم elle a 50 000 km alors qu'elle a 200 000 km il a trafiqué le compteur oh يعني ça je l'ai acheté 100 euros jour par Allah alors qu'il a acheté 50 euros et ainsi de suite خيانة المجالس وإفشاء أسرارها dans les يعني خيانة المجالس comme des réunions مثال privées comme on dit d'un ordre يعني privé يعني toi tu vas tu sors et tu divulgues le secret qui a été dans cette réunion ou même quelqu'un te confie un secret sir et toi qu'est-ce que tu fais tu dis c'est un secret, tu le propages. Alors qu'il t'a dit, c'est une amana, c'est un secret, ne dis à personne. C'est entre toi et moi. C'est une trahison, ça aussi. Même dans la science, il y a la trahison, mes frères. Que les savants, ils prennent la parole d'Allah et là, ils changent le sens. Comme les gens de la bid'a et des passions. Ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. نعم عباد او بكتمان ما انزل الله يعني او بكتمان ما انزل الله يكاش لي فيريتي يكاش لا سيونس نعم عباد الله وكذلك خيانه تضييع الاهل باهمالهم وعدم تعهدهم بالتربيه والنصح والارشاد يوصي ديليسي سا فامي ديليسي سيز انفون ne pas les conseiller, ne pas aller s'occuper de eux dans l'éducation, une éducation morale, une bonne morale, une éducation musulmane propre, avec une bonne conviction. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأكذب الكذب الخيانة. Il a dit le plus grand des mensonges, c'est la trahison. وقال علي رضي الله تعالى عنه من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة لم يجي علي رضي الله عنه لم يتخي نعم ne fait que s'écarter de l'islam وقال أحد الشعراء إن الخيانة ليس يغسلها من خطيئ نعم دمع ولا دم ولا ندم دمع ولا ندم إن الخيانة ليس يغسلها من خطيئ دمع ولا ندم لا تخيزو نعم elle ne s'efface pas avec de l'eau, on la lave pas avec de l'eau, tu prends de l'eau, tu la laves. نعم même si tu pleures, même si tu regrettes. نعم يقول المثل الرومي نعم يقول كفى بالمرء خيانة أن يقول même les Romains à l'époque quand ils voyaient quelqu'un qui trahissait son peuple ils disaient comment quelqu'un qui a trahi son peuple je peux le faire confiance l'exemple en français ils disent la trahison elle est pardonnée. Voilà qu'il on n'oublie pas. Naam, ça, la trahison, personne ne l'accepte. Aucune religion, aucune moralité, aucune société n'accepte naam, la trahison. Naam, ibad Allah. Allahumma ahyina ala al-tawhid wa sunnah. Allahumma ahyina ala al-tawhid wa sunnah. Wa amitna alayhima. Ya hayyu ya qayyum. يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرحم أموات المسلمين في كل مكان اللهم أرحم أموات المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.